dix gamines, c'est en beauté divine. Enfant fatal, les cadavres, y ca pour sorceler, y ca bambou frisson. Paradiseo, les capalais, t'es dit y ca chanter, quoi y ca pénétrer. Tomber à mon.